Je rapportai chez elle en triomphe son livre de musique dont j'avais tiré si bon parti. Mon air d'Alphée Aritus était à peu près tout ce que j'avais appris au séminaire. Mon goût marqué pour cet art lui fit naître la pensée de me faire musicien. L'occasion était commode. On faisait chez elle, au moins une fois la semaine, de la musique. Et le maître de musique de la cathédrale, qui dirigeait ce petit concert, venait la voir très souvent. C'était un Parisien, nommé Monsieur le Maître, bon compositeur, fort vif, fort gai, jeune encore, assez bien fait, peu d'esprit, mais, au demeurant, très bon homme. Maman me fit faire sa connaissance. Je m'attachais à lui, je ne lui déplaisais pas. On parla de pension, l'on en convint. Bref, j'entrai chez lui, et j'y passai l'hiver d'autant plus agréablement que la maîtrise n'étant qu'à 20 pas de la maison de maman, nous étions chez elle en un moment, et nous y soupions très souvent ensemble.